L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups. 5 ans, bon sang, 5 ans que je promène ma crinière insolente à Osmose Radio. 5 ans que je bave sur tous les sujets à l'antenne. 5 ans que je ponctue la programmation musicale avec mes playlists qui ne manquent pas de mordant. Bref, vous l'aurez compris, 5 ans que l'heure du loup est sur Osmose Radio. Un joli quinquennat pour cette émission qui avait fait sa première en janvier 2014. Alors, pour rendre hommage à l'animal totem de cette émission, ce sera une playlist consacrée au loup ce soir dans ce programme qui pour une fois porte bien son nom. Et si Kevin Costner dansait avec les loups, je vous propose moi de courir avec ces bestioles en écoutant ce morceau de The Prodigy. me never listen to him. A little poison, you're like the queen of the snakes. Let's say I love you, but the rats want to draw you into deepest space. Look me in the eyes, show me how you lie. We're so silly. We'll be right back. I am Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. Nothing says it's not because I'm

Det blir gott att vila. Nikolai, you are the last of us, the last of a proud people. Our people were one with Mother Earth. We lived off her land and drank from her rivers. And when the moon was full, we were freed from the shackles of humanity and given one night to embrace the beast within. This power made other men fear and hate us. They believed us to be savages, unfit to live. So they killed our kind without mercy. Stand up all night. We are the wild, the wild. Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à longs poils, aussi habiles à se tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclames, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler, et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Un passage du roman The Call of the Wild de Jack London, un roman dans lequel Buck, un chien livré à lui-même dans les forêts sauvages du Grand Nord, va devoir retrouver sa hargne primitive et se rapprocher ainsi de la nature de loup de ses ancêtres. Voilà, chers amis, c'était ce soir ma playlist consacrée au loup, l'animal emblème de cette émission, l'heure du loup que j'anime sur Osmose Radio depuis 5 ans. Mais bon, les loups c'est bien beau, mais quid de la louve ? Et je ne parle pas seulement de la louve romaine. Et bien justement, pour nous quitter, chers amis, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale d'un beau film d'animation qui fait la part belle et aux filles et aux loups, Princesse Mononoké. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers amis, bonne soirée, bisous. Bisous, à bientôt.